L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'annonce de la NASA, tant attendue, vient de rendre son verdict. De l'eau liquide coulerait à la surface de Mars. Plus exactement, dans certains cratères, mais à toutes les latitudes, aussi bien à l'équateur que à des grandes latitudes. Cette mise en évidence vient après de nombreux mois de recherche sur des structures mystérieuses qui avaient été observées grâce à Mars Reconnaissance Orbiter et son instrument d'imagerie à très haute résolution, HiRISE. Ces structures, qu'on appelle en anglais des RSL, pour Recurrent Slope Lineae, sont des sortes de sillons qui paraissent creusés sur les parois de cratères. Et HiRISE a pu montrer en 2011 que ces sillons évoluaient au fil de leur exposition au Soleil. Ils apparaissent à la fin du printemps martien, grossissent en été, puis disparaissent à l'automne. Plus récemment, de nouvelles observations ont été effectuées par spectroscopie avec l'instrument CRISM de MRO toujours et ont permis d'en déduire la nature chimique de ce que semblent bien être ces écoulements. Les chercheurs sont arrivés finalement à la conclusion que l'explication était que de l'eau provenant de l'atmosphère martienne dissolvait des sels de perchlorate existant dans le sol, produisant par là même une solution aqueuse qui s'épanche alors sur les parois de ces cratères. Cette solution aqueuse a le bon goût d'être liquide à des températures inférieures à 0 degré jusqu'à environ moins 20 degrés Celsius. Bien évidemment, il ne faut pas imaginer des torrents d'eau claire dévalant les pentes de Mars. Non, il ne s'agit que d'eau très chargée en composés chimiques, très salés, et les chercheurs précisent qu'il n'est pas du tout évident que des microbes puissent survivre dans un tel milieu. On savait depuis un moment que des traces anciennes d'eau existaient sur Mars, notamment sous la forme de roches hydratées, et que Mars avait dû connaître une époque humide dans son passé lointain. Mais le fait qu'aujourd'hui la simple exposition au Soleil puisse permettre de dépasser la température de liquéfaction d'une solution aqueuse, faisant ainsi couler des sortes de torrents de boue, est une énorme nouvelle pour tous les amoureux de Mars. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et pour réécouter ce podcast ainsi que le télécharger, l'emmener partout où vous voulez avec vous, vous pouvez le récupérer sur PodCloud ainsi que sur iTunes. Voilà. À très bientôt donc. Et restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut!